et sur la route dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Je m'enfuis, ma vie. Je m'enfuis. Sur la route, dans tous les pays.